le 24 décembre 2012, c'est fini le monde. Le 24 décembre 2012, c'est fini ton monde. Ton monde. C'est fini le monde. Le 24 décembre 2012, c'est fini le monde. Thank you. Thank you. Thank you.